Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, l'interruption spontanée de grossesse et l'arrêt de travail. Depuis le 1er janvier 2024, en cas d'interruption spontanée de grossesse, plus communément appelée fausse couche, il est possible de bénéficier d'un arrêt de travail pour maladie sans application du délai de carence. Pour mémoire, le délai de carence est le délai de 3 jours pendant lequel une personne ne perçoit aucune indemnisation de son arrêt de travail. Sa suppression dans le cas d'un arrêt maladie pour fausse couche permet donc une indemnisation de l'assurance maladie dès le premier jour d'arrêt. Cette mesure s'applique donc à tous les domaines d'activité et profession, aux salariés, aux artisanes, aux commerçants et aux professions libérales, sous réserve des conditions d'ouverture de droit. Alors, quelles sont les conditions pour obtenir cet arrêt de travail sans jour de carence? Si votre médecin constate une incapacité de travail, donc faisant suite à cette fausse couche et ayant eu lieu avant la 22e semaine d'aménorrhée, il peut vous prescrire un arrêt de travail qui sera donc indemnisé dès le premier jour de cessation de votre activité. Cette prescription interviendra via un formulaire papier spécifique appelé avis de travail initial sans carence, pour lequel vous devrez respecter les démarches applicables habituellement, comme pour tout arrêt de travail pour maladie, en fonction bien entendu de votre statut professionnel. Le médecin généraliste et le gynécologue peuvent prescrire cet arrêt. Pour un arrêt de travail pour maladie lié donc à cette interruption spontanée de grossesse, le volet 3 destiné à l'employeur est identique à celui de l'avis de travail classique. Cependant, en cas de subrogation, c'est-à-dire si votre employeur maintient votre salaire pendant votre arrêt de travail, il est indemnisé à votre place pour la totalité des jours d'arrêt de travail qui vous sont prescrits. Dans ce cadre, il lui est possible de constater l'exonération de la carence et donc d'en déduire pourquoi vous êtes en arrêt. Donc, si vous le souhaitez, éviter que votre employeur puisse avoir indirectement connaissance du motif médical de votre arrêt, vous pouvez demander à votre praticien de vous prescrire un arrêt de travail dit classique pour une maladie dans les conditions de droit commun. Cependant, cet arrêt de travail sera alors indemnisé avec une application du délai de carence. Pour la femme victime d'une interruption spontanée de grossesse survenant là, postérieurement au délai de 22 semaines d'aménorrhée, alors elle bénéficie du versement d'indemnités journalières de maternité pendant la totalité du congé de maternité, durée minimum de 16 semaines, variant bien entendu selon le nombre d'enfants au foyer. Enfin, la suppression du délai de carence ne s'applique pas pour l'instant lorsque l'arrêt maladie est causé par une interruption médicalisée de grossesse, IMG. Elle est pratiquée lorsque la grossesse met gravement en danger la santé de la femme enceinte ou alors s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection d'une gravité particulière reconnue comme incurable lors du diagnostic. Cette mesure s'appliquera à l'IMG, normalement, à partir d'une date fixée par décret et au plus tard, le 1er juillet 2024. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.